il y a longtemps. L'humanité a créé les bâtisseurs. Des machines conçues pour obéir à ses ordres. Afin de bâtir des empires. Toutefois, l'humanité s'est éteinte. Les bâtisseurs ont continué à errer sans but, construisant des structures titanesques. Ainsi naquit le mur. Le mur n'a ni début ni fin. C'est un désert, une absence de lieu. Sur le mur, elle a survécu. Errante, seule, perdue. Remontant le mur en quête d'une trace d'humanité. Elle chemine le long de cette immense paroi verticale depuis si longtemps qu'elle ne se souvient plus quand cela a commencé. Elle n'est jamais parvenue à en voir le sommet. Elle n'a jamais trouvé la trace d'aucun être humain. Entendons à présent les voix des anciens qui décrivent ce que le mur est. En quoi le mur est magnifique. Quelle structure se trouve sur le chemin d'elle? À quoi ressemble cette structure? Nous sommes ces esprits. Sur le large mur d'ébène et de sang, elle a foulé d'un pas la dernière trace de la civilisation. Tout semble révolu, les larges plaines, les larges étendues que dépeignaient les grands arcs. Fini le rêve, fini la splendeur. À moins que le mur d'ébène et de sang, ne soit un de ces gigantesques débris, mais un débris splendide, un débris qui encore garde le rêve, qui encore dans tout son gigantisme, dans toute sa défend les dernières traces de l'humanité. Et peut-être que ce désert, que ces vastes étendues vides, ce sont les étendues du rêve, de l'espoir, de la vie. Et peut-être même que les menaces qui pèsent ne sont là, ici présentes. que pour grandir. Grandir, grandir encore et encore, la gloire des derniers humains, la gloire des derniers hommes. Cette structure qui part par moments en lambeaux d'une partie du mur qui montre à quel point la couleur est partie, à quel point l'ébène s'est teintée de sang. Eh bien, c'est peut-être ça, sa maison. C'est peut-être ça, sa dernière demeure. C'est peut-être ça, la dernière demeure de la gloire. Le frimeur, le vent ne sont pas parvenus à empêcher une végétation luxuriante à s'installer dans la moindre infractuosité laissée dans l'immense édifice. Là, de magnifiques fleurs jaunes ornent un entablement de pierre sur lequel pousse une forêt d'arbres noirs et bleus. Le vent souffle, le vent ride l'onde, l'eau qui gorge l'entablement. Le peuple et les fleurs jaunes qui oscillent sous le vent semblent des myriades de papillons prêts à un envol massif qui viendrait égayer l'horizon. Les arbres, entre les branches, entre les feuilles bleues, vertes, aux mille teintes, la vie bruisse, s'agite. Là, l'eau cristallise, une énergie folle qui grimpe, ruisselle sur le mur. Sans trêve, elle gravit les hauteurs du mur pour se mêler dans la nuée. Ce mur immobile, cet amas de bâtisses vides, ces grands temples oubliés, qui ont oublié. Et les hommes qui les conçurent, et les artifices qui les édifièrent, croissent sans cesse. Le mur semble de lui-même se répandre. Là où le temps semble avoir rongé la pierre, là où la rouille a entamé le métal, d'étranges ballets se tiennent, des danses qui animent le mur lui-même. Ici, une forme ronde ouvre un grand iris luminescent, capte la lumière et sitôt accourt une ribambelle d'artifices plus petits, plus précis dans leurs gestes, qui viennent souder, jeter un feu qui gratte jette à bas la rouille et le mur s'élève de nouveau. Regagne sa splendeur d'antan, semble éternel, toujours en construction. Peut-être qu'il y a, au-delà de l'espoir de cette vie qui se dessine, le poids de la solitude. Des animaux errants. Seul et elle qui est près du mur erre seule à la recherche d'humanité, sans dormir, sans manger, sans boire, elle erre près du mur. Son espoir se consume peu à peu, car personne pour lui redonner courage, elle est bel et bien seule. Seule, elle parcourt de plus en plus de distance, tout en suivant le long du mur. Cela faisait des heures qu'elle marchait, voire des jours. Et le mur semblait de plus en plus long au fur et à mesure du temps. Fatiguée, assoiffée et affamée, elle doute de plus en plus sur la fin de cette histoire, de ce mur qu'elle suit depuis combien de jours déjà? Peut-être. Rien qu'en disant ces phrases. Rien qu'en pensant à la fatigue, il s'était passé un jour. Chaque pas accompli, elle ressentit quelque chose. Un grand désespoir. garçon se lignait, elle, le long du mur. Mesure que c'est pas la porte avec une peine croissante. Une hésitation dans le geste. Les traces qu'elle laisse dans la boue s'estompe sitôt qu'elle gagne un monticule avec au cœur une énergie renouvelée. Elle gravit la pente avec arme, avec force, pour que ses pas se perdent dans la sphère. Plus les jours passent, enfin, les jours, les années, les millénaires, les siècles, plus la solitude la rend malheureuse. Les jours passent. Elle sent de diverses odeurs. Elle est bel et bien seule. Et le cycle dans lequel elle est un cycle horrible et dont la seule sortie est un vide complet. Elle tourne depuis des jours, des années, des siècles autour de ce mur. Et l'environnement dans lequel elle vit, est très Il y a beaucoup de végétation. Dans les failles du mur, où presque aucun animal ne peut y passer, on y voit des plantes, tout un écosystème dans un seul endroit. Et de temps en temps, on y voit des insectes y passer. Mais jamais on ne les revoit revenir. Mais je ne pense pas qu'ils voudront revenir. Si t'es enfermé et qu'on te laisse sortir, tu ne veux pas y retourner. Elle a plutôt habitude de ne pas manger, de passer ses repas pour pouvoir continuer à rechercher. On dirait qu'à l'intérieur d'elle, il y a un espoir infini, sans fin, comme ce mur. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'étaient les paroles d'un poète de temps jadis. Et pourtant qu'il se trompait, il n'était pas question d'un être, il était question de tous. Et qu'est-ce qu'il manquait si ce n'est la vie? Ces animaux qui, dans cette cage gigantesque, se trouvaient enfermés, mais cessaient de danser comme des sabres qui se rencontraient dans une frénésie, dans un combat, dans une joute, et tout cela avec un rythme effréné qui semblait seul dicté par une musique entêtante, celle d'un homme du temps jadis qui lui aussi était mort, mais qui avait marqué au moins cette zone, marqué cette région, et marqué, elle l'avait, cet homme du temps jadis l'avait marqué, elle. Et peu importe qu'il n'y ait pas de véritable son, cela tournait en sa tête, comme l'oracle, comme si, même si elle était seule, elle n'était plus seule. Elle était entourée du splendide, de la gloire de l'ancien. Et bien qu'elle cherche, bien qu'elle erre, bien qu'elle ne mange plus, bien qu'elle soit peut-être un lambeau d'humanité, elle était. Et elle ne pouvait cesser de rêver. Rêver le splendide, au sein même de la décadence la plus terrible. Elle rêvait, et rêvait sans cesse. Elle n'était plus solitaire. Elle était grandiose, parce que, au sein d'elle-même, elle avait invité les dernières traces de vie, les dernières traces de civilisation, et que ces bêtes-là, tout dehors, elle lui donnait du sens par la simple musique et par son simple imaginaire. le pied lourd, de plus en plus lourd. Elle s'arrêta, nettement, pour regarder autour d'elle. Rien de très flagrant, à part quelques camps abandonnés, mais tout est humide, tout, même les arbres. Tout ce qui devrait être sec est humide. Le ciel, on ne peut plus le voir, caché par des nuages et des branchages. Rien d'assez lumineux. D'assez... Comment dire ? Elle ne sait même plus. Rien d'assez lumineux pour lui donner la force et le courage de continuer. Mais... Elle sait très bien qu'elle n'a pas le choix. Et que le désespoir ne sert à rien. Ses jambes, depuis un moment déjà. Désormais se confondre avec la végétation et la mousse qui l'entoure. Celle-ci semble l'avoir bu tout entière et l'eau ruisselle. Son corps est indifférent. L'eau ruisselle partout. Sourd du grand mur, ruisselle, cascade. Et tout soudain, elle se redresse. Non que la nue soit crevée par la lumière, mais guidée, semble-t-il, par quelque exhalaison, mais provenant du mur lui-même, là où, dans les infractuosités disparaissent par intermittence des insectes, des oiseaux nicheurs, explorateurs qui se perdent dans les profondeurs sombres du mur pour jamais ne reparaître. Et là, cette frêle créature semble emportée par la nuit, les eaux. Elle ruisselle à les... vive, alors que l'énergie l'avait désertée, allait porter vers le mur, se rue sur lui tout à coup. Et le mouvement s'inverse, la nuit s'obscurcit, la pluie se renforce, l'obscurité grandit, la nuit s'installe, mais elle marche inlassablement, guidée par... semble-t-il cette ténue senteur qu'elle a décelée au-dedans de la myriade d'odeurs qu'exhale le mur, moisissures, champignons odorants, orgueilleusement pointés vers les eaux salvatrices qui les nourrissent, feuillage dense, verdoyant, lustrée par l'eau, la poussière jamais ne s'attarde. Il bruisse autour d'elle. Tout bruisse. mais c'est la senteur qui la guide. Son museau, avide, se pointe vers le mur, le long du mur, quête la moindre affructuosité, cherche le semblable au sein de l'uniformité, foisonnante qui se niche au creux du mur. Sa chevelure est ruisselante de ses petites escarboucles, de ses senteurs, de ses petits points jaunes qui fleurissent régulièrement le long du mur et qu'elle s'en suit. Elle s'arrête. L'odeur était annonciatrice d'un nectar dont elle se délecte. Elle penche son visage moussu dans la fractuosité de roche qui a vu naître la grande fleur pédonculée qui pend et quête le peu de lumière que dispense le nuage. Elle boit avide, puis s'allonge, se laisse aller le long du mur, voluptueuse, allaitant ses membres longs comme des lianes, ses membres innombrables, ses douze membres qui se mêlent à la broussaille. Un moment, elle reste, puis reprend sa route. Le temps s'égrène, mais ne semble pas avoir poids sur elle, toujours guidée par ces lueurs jaunes d'espoir qui pointent sur son chemin. Elle ne prend pas garde au bourdonnements incessants des artifices bâtisseurs qui, dans son sillage, s'empressent condamner le trou à la débusquer, la fleur gorgée de nectar. Des petits automates fouillent le mur, le cicatrisent, ôtent cette plaie odorante qui pourtant a l'a guidée et lui a donné la lueur d'espoir nécessaire à un jour de pluie, un jour de marche. Elle s'arrête parfois et plonge ses pieds noueux, noueux de marche et qui, telles des radicelles, des racines, puisent dans l'onde l'énergie qui lui sera nécessaire pour courir la lande le long du mur. Et toujours autour d'elle, bourdonne sans qu'elle y prête attention ces menues bêtes d'acier, de plastique, ces artifices, ces bâtisseurs qui entretiennent le mur qui la condamne à errer seule. Mais bientôt, elle trouve une piste, un lieu où quelqu'un aurait pu séjourner, où quelqu'un a certainement vécu. Un temps seulement, rien de plus. Thank you. creusé. C'est la ruine qui réside ici, comme les dernières exhalaisons d'un être qui serait mort comme étouffé. Ici, on sent encore la gloire d'un monde déchu, mais la gloire de quel monde? D'un monde, mais qui semble être idéal. Quelques lettres écrites sur un écriteau en bois, colcose, comme si c'était le dernier de toute cette région. Et c'était des chants qui s'étendaient à perte de vue, avant d'être happés par le désert. C'était des machines qui tournaient, c'était des gens qui vivaient. Et que reste-t-il de cela? Quelques ruines. Quelques ruines qui sont les dernières exhalaisons d'une civilisation qu'elle a. On lui avait tant rendu. Tout semblait s'amorcer comme un destin guerrier, comme un destin funeste qui avançait et qui happait sans cesse la vie. Et la gloire. Mais non, ça ne pouvait être cela. Elle ne devait être cette gloire. Cette gloire, elle ne pouvait être funeste. Tout cela n'était pas un mensonge. Tout cela resterait. S'il restait des traces, c'est qu'il restait de l'espoir, de la grandeur. Et dans la ruine, l'espoir, la grandeur, la gloire, tout cela se mêlait en son esprit. Chaque jour, elle ressent une sensation. Une sensation étrange. Une sensation d'observation. Une sensation comme si elle n'était pas seule, au fond. Mais cette non-solitude était plutôt inquiétante. Dans ces moments-là, elle s'arrête et plusieurs fois regarde dans les végétations, voir si quelqu'un ou quelque chose n'y était pas caché. Mais à chaque fois, elle n'y vit que des hautes herbes ou des oiseaux qui s'envolent. Après avoir scruté les végétations et s'être cru en danger, elle continue à sa route, tout en pensant mais ses pensées étaient liées au chemin qu'elle parcourait. Et si celui-ci avait un sens? Et si elle pourrait tenir jusqu'à la fin? Au final, le réel danger, c'est son approvisionnement, ou sa motivation, sa détermination à continuer le chemin. Parfois, cette forme minuscule au regard de l'immensité du mur s'effondre. Pitoyable créature au pied de l'immense édifice. Sans mouvement, elle demeure. Et ce n'est pas un repos inquiet comme celui qu'elle prend au bord de la rivière, au bord de la mare qui se forme à de réguliers intervalles le long du mur. Non, parfois, elle reste longuement immobile, s'abandonne. Et se fout dans ce qui l'entoure. Puis elle se redresse avec hésitation. Son bras gracile se tend vers le mur. Elle laisse les aspérités de celui-ci lui rappeler sa présence au monde. Elle longe le mur, grimpe le long du mur vainement, puis retombe. Une masse informe, inerte. Et le vent souffle les nuées qui s'amoncellent le long du mur, qui s'entêtent à ruisseler le long de celui-ci, ruisselle jusqu'à elle, et elle se redresse, peut-être en quête de nectar, ou plus sûrement sur une piste. Elle s'éloigne du mur et gravit une nouvelle pente. Peine sur celle-ci. Les pierres, la boue se rebellent contre elle, s'opposent à sa volonté de gravir la pente, comme si la terre même était animée d'une volonté propre et cherchait à l'éloigner du mur. Cherchait à l'éloigner des hommes. Mais elle tient bon. Maculée debout, elle parvient au fait. Là, sur le léger entablement herbu, où aucun arbre n'a choisi de s'enraciner, elle découvre une silhouette qu'elle entendait depuis si longtemps. Une silhouette qui lui semble familière. Elle est maigre cependant, plus maigre qu'elle n'ose se l'avouer en se contemplant au matin, frais après scope dans l'onde de la mare. un reflet déformé où subsiste une part de ce qu'elle fut du monde auquel elle appartient. Lorsque, emporté par la joie de trouver un être semblable à elle, elle s'approche, l'autre tressaille. Il a senti son odeur. Ou peut-être a-t-elle fait crisser quelques feuilles que le vent a abandonnées sur la colline. L'être se tourne vers elle, retrouve ses lèvres en un pâle sourire, ou sur un rectus de défi, elle hésite, elle recule. S'ensuit un balai infiniment lent où il s'approche, s'éloigne, se rapproche encore. Puis elle lui tend l'une de ses gousses où elle puise le nectar jaune qui lui donne les forces. Qui lui donne la force de marcher. Sa main est toute tremblante, elle peine à la maintenir ouverte et offrir en partage la gousse qu'elle serrait contre son sein, son voyage durant, préservant le peu de nectar qu'elle pourrait avoir. L'autre s'en saisit et la pavite. Autour, les insectes cessent de bruire. Ils n'ont pas entendu depuis des éons. Les petits bruits qui suivent, mais qui ne sont pas encore des mots, et qui ne seront jamais des mots, car les mots se sont perdus en chemin. Le temps passe. Ils cheminent désormais ensemble le long du mur, à la recherche du nectar jaune qui nourrit leur espoir et scelle leur union. Ils cherchent d'autres êtres semblables à eux, d'autres qui frissonneront à leur contact, se tenant par la queue. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incursion ? Moi, j'ai trouvé intéressante. C'est pas la protèle que j'ai retenue comme hypothèse, mais j'ai retenu néanmoins un animal. J'ai pas bien vu ce qui était dessus. Est-ce que ça convient, une substance ? Des petites chaussons ? Non, c'est des. C'est entre le singe et le mignon. Oh, ils sont gros, c'est. Et qui se tiennent par la queue. Et c'est quoi ça? Bah, les mêmes, mais de dos. C'est la même image selon trois angles de vue différents. Non, c'est pas la même image. C'est le même groupe qui est pris sur une propre queue. Mais pourquoi ils ont changé de couleur? Bah, c'est une question de justement de l'angle de vue. Alors, on n'a pas déroulé l'ensemble des étapes qui étaient proposées par elle, ce qui en soi n'est pas dramatique. Enfin, c'est pas essentiel. Reste que je d'évidence pour Xavier et Alexandre, je pense qu'il est difficile de ne pas exprimer les sentiments ou pas pouvoir dialoguer. Oui. C'est un gros frein à votre immersion, non ? Oui. La protèle, ça existe vraiment ? Mais c'est juste l'image me faisait penser à une hyène ou à un lycaon. Sauf que l'hyène et les lycaons sont des carnivores, la protèle est insectivore. Mais c'est rare les animaux comme ça qui mangent. Qui mangent des insectes ? Non, il y en a plein. Le type du chien. Bah, par exemple, le renard. Le renard, il se nourrit de beaucoup d'insectes en fait. Le il se nourrit d'oiseaux et d'insectes, mais c'est l'essentiel de sa. Mais lui, il se nourrit d'insectes. De papillons et de chenilles. Oui. Moi, j'ai trouvé la enfin, le caractère poétique. Quand tu parles des chats, tu l'as vu émerger de la partie. Et puis, en fait, à chaque fois que j'ai recouru à mon portable, c'était avec. Non, c'était pas juste de la musique pour de la musique, il y a derrière il y avait la signification. Je pense que t'en as reconnu au moins une de musique, pardon. Oui. Le dernier. Alexandre, est-ce que pour toi la perspective, est-ce que le fait qu'on achève la partie là-dessus sur cette séquence de L, te satisfait pour faire le lien avec le mouvement qu'on avait initié auparavant, et est-ce que tu es d'accord pour dire que on retrouve ton artifice? Oui. Donc j'avais prévu qu'on aboutisse par qu'on joue cette séquence avec elle. Donc, je trouvais que cette image était sympathique et nous figurait l'artifice qui que l'on retrouve et qui en fait est toujours là mais en phase de décomposition. J'avais évoqué que dans le crash, les artifices liquéfiaient. Donc là, c'est une image qui est plus forte et qui est sympathique et qui peut conclure, on retrouve l'artifice, mais il n'est plus opérant pour envoyer le signal de façon cohérente. Et après, reste à nous dire, est-ce que ça vous intéresse de voir ce que serait cette planète ? Sur laquelle nous nous sommes posés, et poursuivre en tant que Germaine 7, Elinan 5, Apollinaire 850. Ou 1, 2, 3, dépend. Ou 1, 2, 3, et Oleg 2.3. Mais du coup, c'est on pas 3.2 hein. Ou 3.2, pardon. C'est 2.3. Est-ce que ça vous convient comme. Comme point de fuite et point d'entrée pour la suite. Après, je sais pas si le. Le côté poétique des incarnés de la chose plaît à Xavier et Alexandre. Je crois que elle n'est pas vraiment leur tasse de thé. Bah. Je trouve ça un peu compliqué, mais je pense avoir un peu réussi. Et même toi, si j'ai raté une sur une partie. Est-ce que tu as été beaucoup trop spectatrice pour prendre plaisir à cette phase de la session? Non, c'est bon. Ça te convient? Bon, oui, mais alors, est-ce qu'on pourra être dans une dimension plus dynamique la prochaine fois plus appuyé sur Nibiru et côté exploration, puisqu'on incarnera ces pionniers. Et on a deux façons de voir les choses. Soit on incarne dans l'instant les découvertes des pionniers, soit la prochaine fois on définit comment ils ont fait souche ou racine sur la planète. D'accord. Quel serait a priori ce qui vous plairait plus ? Bah, moi ce serait continuer sur la partie qu'on avait faite, la première proposition que tu as faite. À savoir explorer. Oui. Plus la phase d'exploration que la phase instauration d'une colonie, développement d'une communauté. Et merci d'avoir mis les trucs futuristes. Par rapport au passage que j'ai fait, je me demande si tu as trouvé ça dans le fond ou pas. Alors, j'explique un peu le choix des musiques. La première, c'est la première symphonie de Khachaturian, qui est un compositeur que j'écoute beaucoup ces temps-ci. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, ça mélange le style très oriental des musiques arméniennes, etc., avec la musique classique européenne. Et ça a permis... Enfin, moi, je trouve que ça permet bien de retranscrire une espèce de brassage... Enfin, de... Un brassage d'idées entre... Enfin, un choc entre deux mondes, pour moi. C'est... Et ça a un côté aussi onirique, donc pour moi, pour débuter, ça permettait d'être bien. Moi, je la situais... La partie de du mur, je le situais dans l'actuelle Arménie, justement. Avec les Kolkhoz... Enfin, voilà, avec le panneau du Kolkhoz. Et... Donc ça, c'était pour la première musique. La deuxième musique, c'était encore du Khachaturian, c'est son extrait le plus connu, c'est la danse des sabres. Ouais, la danse du sabre. Et en fait, je trouvais que c'était une bonne idée, enfin, sur le coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de montrer les animaux qu'avait évoqué Xavier comme des sortes de danseurs, mais en fait des danseurs dans l'esprit de la créature, d'elle. Et aussi de montrer que, en fait, bon, j'ai fait un... Je pense que t'as reconnu le poète dont je parlais. Mm-hmm. Et voilà, c'était des références. C'est peut-être ça qui a aussi... Enfin, qui était pas forcément... Alors, pour moi, ça va tout à fait. Après, par rapport à elle, on n'était pas assez dans le... mon sens. On n'était pas assez dans la description détachée. Et trop dans l'affect et l'intériorité du personnage. Et c'est en cela où je dis que le L ne convient pas au consensus de la table. C'est-à-dire que si toi comme moi on peut y adhérer, c'est plus difficile pour Alexane et Xavier. Et le côté contemplatif, déjà, même avec l'introspection, c'est moins aisé que le côté aventure ou développement. Aussi, ce que j'ai, enfin, dans le troisième, c'était, bon, je crois que tu l'as reconnu, le thème qui a été fait pour Simbarum. Et c'est pour ça que j'ai pris le bouquin de Simbarum, c'est pas que je me faisais chier, mais c'était juste parce que je trouve la galerie d'images super riche et que je me disais que ça pouvait être mis à profit pour le jeu, parce que certes, c'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie qui a un côté post-apo. Ce que je trouve, enfin, c'est c'était pas pour mettre de la fantaisie à tout prix, mais c'est juste que ben, j'aime bien le thème musical, je l'écoute même hors partie, je l'écoute fréquemment. Je trouvais que ça collait avec la vision que je viens de faire. Tu veux dire quelque chose? Non. Du coup, je pense.